c'est la tempête, chaque texte est un orage. Libre que quand je kick, on nous a tous pris en otage. On s'endort en subissant une séance d'hypnopédie, la secousse sismique. C'est l'effet d'écrit nos récits, le réveil est brutal car la situation à venir est cruciale. J'élève une muraille face au mirage qui tue l'âme. Ressens mon cœur battre quand deux corps célestes s'éloignent. Je sens mon heure se hache, je m'exerce d'être ou qui m'épargne. Tout est dans détail, je reste précis mais toujours indécis. Toutes mes pensées s'étalent, j'ai ce verdict avant qu'il sévit. Sévère comme l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Et je perds espoir quand je vois les actes de la nature humaine. Je peux être absent en étant présent, partant. Même si c'est stressant, attendre en encaissant, j'avance et pour toi c'est embêtant. On tisse du rhum pour des cuvées, de la vague à l'âme. On vise le summum, t'es étonné dès qu'on passe à l'acte. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et tromperie, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et tromperie, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris. L'alcoolique noie sa tristesse dans l'ivresse. Nous on a trouvé la richesse dans la misère. Je me balade dans un cimetière. J'esquive les cadavres, l'ambiance est macabre. Ça là c'est la tension est palpable, la vie c'est tout un art. Choisis la bonne perspective, je travaille sur moi, j'espoir leur illusion, brûler mes rétines. Je côtoie des coyotes dans la meute, on a tous les crocs aiguisés. On broie des prods, potes, c'est la seule manière de nous exprimer. La voix au micro est maîtrisée, les jaloux peuvent nous mépriser. Si c'est leur raison d'exister, j'encaisserai leur témérité. J'suis le barman du rap, mec, je sers des verres cognitifs. J'ai plein de mots dans ma tête, tu feras pas taire mes origines. On vient dire ce qu'on pense, les autres M6 réfugient à la trappe. Comment faire confiance quand tu sais que la sincérité porte un masque? On me craquera quand je révèle tout comme Edward Snowden. Je demande pas du tout d'être compris, de toute façon. On meurt seul. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et tromperie, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et tromperie, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et compris, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris. La mort rôde, les vautours guettent et les hyènes. Ricane, alcool, drogue, je laisse votre haine. Sous vos visages confond plus humour et moquerie. Amour et tromperie, si vos dieux répondent par le silence, c'est que vous avez rien compris.